Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, le Vendée Globe 96. Tous les 4 ans, début novembre, le port de Sable d'Olonne devient le point de départ de la course à la voile la plus fantastique, la plus dangereuse et la plus impitoyable qui soit, le Vendée Globe. Épreuve hors norme par son parcours, un tour du monde, rigoureuse par ses règles, course en solitaire, sans assistance et sans escale, le Vendée Globe incarne à lui seul l'aventure ultime. En 1996, pour la 3e édition, ils sont 15 à tenter leur chance, 2 femmes et 13 hommes, certains pour essayer de remporter la victoire et tenter de battre le record de 109 jours établi par Titouan Lamazou, les autres pour essayer tout simplement d'aller jusqu'au bout. Et c'est bien le problème pour ceux qui n'ont pas l'expérience des vents contraires du golfe de Gascogne, des tempêtes de l'Atlantique Sud, des déferlantes des 40e rugissants, des coups de tabac des 50e hurlants et des orages imprévisibles lors du passage des 3 caps. Bonne espérance en Afrique du Sud, le win en Australie et le mythique Cap Horn à la pointe sud du Chili. Naufrage tragique parfois, sauvetage inespéré, disparition de l'un des concurrents. Telle s'est déroulée l'édition 96 du Vendée Globe, mémorable. Notre invité aujourd'hui, Denis Auroux, ancien directeur de course du Vendée Globe, justement, spécialiste de la course au large. Il vient de publier un livre passionnant consacré à cette épreuve, intitulé « Mon Vendée Globe, dans les coulisses d'une course de légende », paru en octobre dernier aux éditions François Bourin. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Tout-le-Monde. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Sans plus attendre, direction les Sables d'Olonne, où nous attendent nos envoyés spéciaux pour le départ de la course extrême, le Vendée Globe, dans 50 secondes, voilà. 16 bateaux vont partir, Pierre-Louis Castelli, Dominique André, vous nous attendez tous les deux, à vous. Oui Fabrice, des milliers de gens sur l'eau pour assister à ce départ, là nous sommes juste à côté du bateau qui va donner le coup d'envoi dans 1 minute 45 exactement, des milliers de gens, vous savez, il y a des embarcations qui sont venues de toute la Bretagne, de la Bretagne Sud, de l'île de Ré, de l'île Dieu, des catamarans, des bateaux de pêche, de grosses embarcations, des vedettes énormes, et puis Joshua et le Belém de la Marine Nationale. Départ dans quelques secondes maintenant. Le temps, Dominique ou Pierre-Louis ? Un temps très maniable, un ciel gris, mais une mer belle, des vents faibles. Les vents vont se renforcer à partir de demain. Attention, compte à rebours, dans 3. 3, 2, 1, stop, départ. Dimanche 3 novembre 1996, brise légère, ciel gris. Au large des Sables d'Olonne, il est un peu plus de 15h, lorsque résonne le son d'une corne de brume. C'est le signal du départ de la course à la voile du Vendée Globe. Que ce soit à terre, sur les quais ou en mer, à bord de petites embarcations de plaisance, plusieurs milliers de spectateurs, amateurs, passionnés ou marins confirmés, accompagnent du regard les 15 monocoques aux voiles colorées qui s'élancent, puis s'éloigne de la côte. Cette année, ils sont 16 à participer à cette longue épreuve de solitude qui les fera naviguer sur les 4 océans du globe. 16 navigateurs, tous expérimentés, aguerris, prêts à effectuer toutes les manœuvres, de jour comme de nuit, afin de revenir ici au sable, dans 4 mois. Sur les images filmées depuis l'hélicoptère de France Télé, on aperçoit les voiles des bateaux se gonfler et les coques se coucher au ras de l'eau à mesure qu'ils prennent de la vitesse. Premier à prendre la tête de la course, à la faveur d'un bon départ, Bertrand de Broc sort son voilier baptisé « Votre nom autour du monde ». Joli. Dans son sillage, on distingue les voies blanches et le logo bleu de Géodis, le bateau de Christophe Auguin. Auréolé de 2 victoires dans le Box Challenge, tour du monde avec escale, Auguin est l'un des grands favoris cette année. Tout comme d'ailleurs celui qui le talonne, un certain Yves Parlier, à bord d'Aquitaine Innovation, un navire qui, comme son nom l'indique, a la conception révolutionnaire. Parmi les autres navigateurs amenés à jouer les premiers rôles, il y a le Canadien Jerry Roofs. Fort de sa victoire dans la dernière transat anglaise, Roofs dispose avec groupe LG2 d'un bateau aux performances redoutables. Mais mieux que quiconque, le skipper canadien sait que rien n'est joué et qu'il devra se méfier de la solide expérience des Anglais Pete Goss et Tony Bollemore, ou encore des Français Marc Tiercelin, Éric Dubon ou Thierry Dubois, du Hongrois Nandorfa également. Mais l'originalité de cette édition 96 du Vendée Globe est ailleurs. L'attention est mobilisée autour de la présence, pour la première fois, de femmes au départ. Elles sont deux, Catherine Chabot sur Whirlpool Europe 2 et Isabelle Autissier sur PRB, première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire. Elle avait connu d'ailleurs beaucoup d'avaries. De là à prendre une revanche... Non, on prend jamais de revanche sur la mer, on prend jamais de revanche sur le vent, c'est de la bêtise. On essaye d'être intelligent le plus possible, c'est pas toujours facile. Je crois que j'ai eu une avarie grave. Bon, c'est des choses qui arrivent. Je suis certainement pas le premier marin à qui c'est arrivé, ni le dernier malheureusement. Et puis maintenant, je repars dans une autre course avec, je crois, la même sérénité et aussi la même appréhension, parce qu'il faut avoir une certaine appréhension, il faut avoir de la prudence. On se lance pas sur les océans comme ça. C'est pas une promenade de santé. Ce sont des grands bateaux puissants, c'est des mers difficiles. Donc il faut avoir de l'humilité, je crois. Il faut dire. Je vais essayer, je vais y aller, je vais faire le maximum, mais on ne peut pas vendre la victoire. Non, je crois que honnêtement, je ne suis pas traumatisée par ce qui s'est passé, c'est une expérience. L'autre surprise cette année, et ça c'en est une vraie, car le fait que des femmes concourent ne devrait pas être exceptionnel, c'est juste normal qu'elles aient leur place. Bref, la vraie attraction, c'est la présence dans la flotte d'un pirate. Oui, vous avez bien entendu, un pirate. Et c'est le skipper Raphaël Dinelli, le 16e navigateur de la flotte. Sur le papier, son idée était bonne et son projet est louable. Profiter de l'attention médiatique autour du Vendée Globe pour promouvoir une association d'entraide à l'enfance. Seulement voilà, faute de sponsor, il lui était difficile de réunir les sommes nécessaires pour louer un bateau et se préparer correctement. Pris par le temps, Dinelli a tout de même réussi à louer l'ancien monocoque de l'organisateur Philippe Janteau, puis il a tenté de se qualifier. Sans succès. Alors, le jury du Vendée Globe a refusé sa participation à la course, au motif que la règle est la même pour tous, avant et pendant la course. Malgré tout, Raphaël Dinelli décide de prendre le départ. Quoi qu'il advienne, certes, il bénéficie du soutien de Philippe Janteau, mais sa présence ici au sable dérange, car en cas d'accident, sa sécurité ne sera pas assurée. Autrement dit, il devra se débrouiller seul. « Je t'aime bien, Raphaël, mais selon moi, tu fais une connerie », lui aurait glissé Isabelle Autissier avant le départ. « Tu fais partie de la course, mais fais vraiment gaffe à toi », aurait ajouté son ami Yves Parlier. C'est donc dans ce contexte qu'un quart d'heure après le départ officiel, on aperçoit la coque rouge d'Algimus, le navire de Dinelli. En haut du mât, le skipper a hissé le drapeau noir des pirates. C'est dimanche 3 novembre, il est un peu plus de 16h, lorsqu'au PC Course du Vendée Globe, le directeur de l'organisation, Philippe Janteau, échange au téléphone avec son correspondant de Météo France. Ce soir, un orage est prévu au-dessus du golfe de Gascogne, avec des vents qui pourraient atteindre les 40 nœuds, soit près de 75 km/h. Cette première nuit de course s'annonce donc agitée. Au micro d'Antenne 2, Janteau revient sur les difficultés qui attendent les skippers tout au long de leur parcours, à commencer justement par le passage du golfe de Gascogne. Déjà, le golfe de Gascogne, au mois de novembre, c'est déjà de tristes réputations, puisqu'il y a 4 ans, on se souvient que 5 bateaux avaient fait demi-tour suite à des avaries. Ils étaient revenus au Sable d'Olonne pour réparer, et c'était reparti après, et le mauvais temps s'était pourtant pas pour autant calmé. Ça, c'est effectivement la première difficulté à passer. Ensuite, deuxième passage difficile à négocier, il se situe au nord de l'équateur, c'est le poteau noir. Le poteau noir, c'est la zone de séparation entre le système météo de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. C'est-à-dire que c'est des zones qui peuvent être ou très larges ou très étroites, dans lesquelles il n'y a pas de vent ou des grains qui passent, qui sont très violents. Une fois cet obstacle franchi après l'équateur, les navigateurs arrivent dans l'hémisphère sud. Troisième difficulté, l'anticyclone de Sainte-Hélène. Là, ce sera le plus malin qui va réussir à se positionner par rapport au vent fort qui va s'échapper le premier, pour rentrer dans les 40e. Et là, les 40e, eh bien, ça met tout le monde d'accord, puisque là, tout le monde a du vent, et parfois même trop de vent. il fait très froid en fait, hein, puisque dès qu'on arrive dans les 50e, 60e, on se rapproche du pôle sud. Donc il y a des risques de glace d'abord, donc des icebergs à la dérive. Et en fait, les concurrents vont passer pratiquement 45 à 50 jours d'enfer. Dernière difficulté importante, le passage mythique du Cap Horn. Le Cap Horn est un vrai cimetière de bateaux et de marins, quoi. Aujourd'hui, bon, on arrive à naviguer avec beaucoup plus de sécurité, mais ceci dit, les moyens modernes ne font pas baisser la force du vent, quoi. Donc quand on se prend un force 10, c'est encore un force 10. Le Vendée Globe, souvent surnommé l'Everest des mers, est une course remplie de pièges et d'imprévus, surtout sans aucune limite de vitesse ni de cap. Seul atout pour nos 15 marins, les capacités techniques de leurs machines et leur talent de navigateur, bien sûr, pour dompter une météo parfois capricieuse, souvent dantesque. Créé en 1989 par Philippe Gentot, le Vendée Globe a déjà connu deux éditions. La première a été remportée par Titouan Lamazou, puis en 1992, c'est Alain Gauthier qui a triomphé sans améliorer le record. Mais à chaque fois, il y a eu de la casse, des accidents, des drames. C'est la raison pour laquelle les skippers ont milité pour que cette année, on leur envoie les données météo. En coulisses, les négociations ont été difficiles. Et il a même fallu qu'Auguin, Roufs, Autissier et toute leur bande menacent de ne pas prendre de départ pour qu'une solution soit trouvée. C'est le Conseil Général de Vendée et la Ville des Sables qui paieront l'envoi des fichiers par satellite à chacun des concurrents. Autre changement important réalisé cette année, encore une fois à la demande des skippers, la création d'un service médical opérationnel et professionnel, accessible 24 heures sur 24 par fax ou par radio. À sa tête, le docteur Jean-Yves Chauve, le même médecin qui avait aidé Bertrand de Broc à se recoudre la langue durant la précédente édition de la course. Ce dimanche 3 novembre 1996, alors que la nuit tombe sur l'Atlantique Nord, nos 15 skippers, suivis par le 16e d'entre eux, Dinel l'île pirate, font face à une mer hachée dans le golfe de Gascogne. Sauts de vagues et chutes d'embrun, certains parmi eux, beaucoup même, ne mangeront pas ce soir, d'autres ne dormiront pas, trop affairés à réduire la voilure pour éviter la casse, et cette fois, la course est vraiment lancée. Quarante-huit heures plus tard, mardi 5 novembre 1996, 10h du matin. Quelque part à la sortie du golfe de Gascogne, au large des côtes espagnoles, grâce à la route qu'elle a empruntée par le sud, la navigatrice Isabelle Autissier pointe aux avant-postes. Juste derrière elle, le skipper Hervé Laurent. Plus loin, il y a les monocoques de Christophe Auguin, de Marc Tiercelin et de l'anglais Pete Goss. Eux ont préféré jouer la carte de la sécurité et ménager leur machine. Ces deux premiers jours de course, passés dans une mer agitée et sous la pluie, ont été éprouvants. Malgré son expérience, Jerry Roofs a eu le mal de mer. Et puis, il y a eu de la casse. Au PC Course, installé à Paris, le Hongrois Nandorfa appelle pour signaler que sa quille bouge. Puis, c'est Thierry Dubois qui découvre une fissure dans la coque et une voie d'eau. Quant à Tony Belmore, le doyen, il doit aussi faire demi-tour et rejoindre les sables pour réparer. Au même moment, à bord de Whirlpool Europe 2, la navigatrice Catherine Chabot profite d'une accalmie météo pour répondre par radio aux questions des enfants d'une école du Périgord. Bonjour Catherine. Salut Raphaël, tu vas bien? Oui. Combien de litres d'eau potable te reste-t-il? Il me reste au moins 200 litres d'eau potable, mais je peux faire autant de litres d'eau que je veux parce que j'ai un désalinisateur. Est-ce que la nourriture déshydratée est bonne? Oh oui, oui, oui, ça va, c'est assez bon. Et puis, ma maman m'a fait des gâteaux avant de partir, alors j'ai plein de petites choses sympathiques à manger à côté de ça. Et puis, les plats aussi en conserve sont très bons à toi. Avec le retour du beau temps, les skippers doivent maintenant trouver leur rythme, leur réglage, et surtout bien choisir leur route pour rejoindre les îles Canaries, puis déterminer le meilleur moyen de descendre l'Atlantique, et ensuite franchir le premier point de passage, le Cap de Bonne-Espérance, où ils basculeront alors dans l'océan Indien. Quelques jours plus tard, c'est justement au passage des îles Canaries que les premiers choix tactiques s'imposent. Afin d'éviter un anticyclone, le peloton se divise. Certains font le choix de longer la côte, d'autres de partir plus au large. Finalement, chacun s'en tire avec du vent portant. On sort et on monte l'Espie, cette bulle de toile géante qui, une fois gréée à l'avant des bateaux, permet de gagner la vitesse. Au classement, Yves Parlier a pris la tête des opérations. Il est le plus performant. Mais à bord de son voilier Aquitaine Innovation, il y a un problème. Après la tempête essuyée dans le golfe de Gascogne, il a perdu la moitié de ses réserves d'eau potable. Faute d'avoir pris un dessalinisateur pour filtrer l'eau de mer, il est désormais contraint de se rationner. Derrière lui, suivent à quelques dizaines de milles Autissier, Laurent, Debroc, Gosse, Auguin et Catherine Chabot. De leur côté, les navigateurs Nandorfa, Thierry Dubois et Tony Blémort, qui avaient dû tous les trois revenir au sable d'Olonne pour réparer, repartent en mer. Pour ces trois-là, l'objectif n'est plus de gagner, mais d'essayer de terminer la course. Et preuve que dans le Vendée Globe, rien n'est jamais joué, à peine reparti, Nandorfa est victime d'une collision avec un cargo et doit abandonner. Mardi 19 novembre, quelque part dans le Poteau Noir, gigantesque zone à la météo imprévisible, située au milieu de l'océan Atlantique, au niveau de l'équateur. Après presque deux semaines de course, Yves Parlier est toujours premier au classement. Il vient de fêter son anniversaire seul à bord de son navire, mais avec les messages des autres concurrents sur le canal radio. Derrière lui, Isabelle Autissier et Christophe Ungain ont eu beaucoup de chance lors de leur passage au Poteau Noir. Mais pour d'autres, en revanche, cette zone se transforme en calvaire. Bertrand Debroc, Catherine Chabot et Jerry Roofs sont pris dans un violent orage. Ils en ressortent rincés, tout comme le pirate Dinelli qui perd en même temps son drapeau noir. Dans les jours qui suivent, c'est sur Yves Parlier que le sort s'acharne. En pleine nuit, il entend un bruit sec à l'avant du bateau. Il découvre que son génois baigne dans l'eau. Il tente alors de réparer, mais la pièce finit par casser et perdre son enrouleur. Dans la foulée, sa drisse de grande voile rend l'âme. Joint par radio, il confirme qu'il vient de voir s'envoler ses rêves de victoire. Eh ben, je me sens un petit peu anéanti parce que, comme je disais, ce Vendée Globe, j'ai tout donné pour le préparer pendant 3 ans. Et je suis trahi par un petit axe de 25 mm. Je mets à plat tous ces efforts et je pense pas pouvoir tenir la cadence sans un enrouleur à l'avant et sans un génois à l'avant. C'est la voile de base du bateau. C'est un petit peu comme si sur une Formule 1, il te manquait 2 cylindres. Avec la mésaventure d'Yves Parlier, la course est relancée. Christophe Auguin et Isabelle Autissier en profitent pour rattraper leur retard et prendre la tête. PRB et Géodis naviguent alors presque à vue l'un de l'autre. Et les voilà partis pour un sprint à plus de 20 nœuds, soit plus de 35 km/h, dans ce couloir de vagues et de vent qui mène au 40e rugissant. C'est alors que la malchance vient une nouvelle fois bouleverser le classement. Le dimanche 1er décembre, petit matin, Isabelle Autissier est prise dans la tempête. Son voilier part au loft, c'est-à-dire qu'il fait face au vent et risque de se coucher sur l'eau si on ne libère pas les écoutes. La navigatrice a à peine le temps de sortir sur le pont, d'affronter les gerbes d'eau qui lui passent par-dessus et de tenter d'affaisser sa grand voile. Lorsqu'elle revient prendre la barre, son monocoque ne répond plus. Elle réalise alors qu'elle a probablement cassé l'un de ses deux safrans. Une seule décision s'impose, dans ce cas, rejoindre la Terre et réparer. Autissier se déroute donc pour rejoindre la ville du Cap, en Afrique du Sud. Et dès qu'elle mettra le pied à terre, elle le sait, elle sera disqualifiée. Voilà désormais Christophe Auguin sur Géodis, seul en tête et bénéficiant d'une large avance. Le lendemain, il est donc le premier à franchir le Cap de Bonne-Espérance et à entrer dans l'océan Indien. Derrière, l'anticyclone de Sainte-Hélène va se charger de rappeler son existence au retardataire. Les mers du Sud sont réputées pour la violence de leurs vagues et leurs tempêtes dantesques. Ici, personne n'est à l'abri d'un chavirage. Et le premier à en faire les frais, c'est justement Christophe Auguin. Alors que le vent souffle à plus de 40 nœuds et que la houle forme des crocs de plusieurs mètres, son monocoque se couche dans l'eau avant finalement, par chance, de se redresser. À côté, le manège le plus secouant de Disney est une aimable plaisanterie. Auguin vient d'échapper au pire, sans doute grâce à l'action de la quille pivotante qui a joué les balanciers. Le même jour, même coup du sort et grosse frayeur pour Catherine Chabot lorsque son Whirlpool le robe de chavire. La navigatrice, à ce moment-là, dans son cockpit, se retrouve la tête à l'envers pendant de longues secondes. Quant à Jerry Roof, situé le plus au sud du groupe de tête, il est le premier à percevoir les silhouettes aussi fantomatiques que menaçantes des icebergs. Mercredi 25 décembre 1996. Voilà bientôt 2 mois que les concurrents du Vendée Globe ont quitté les Sables d'Olonne. Et en cette journée de Noël, le PC course du Vendée Globe est en situation de crise. Autour du directeur de la course, Philippe Gentot, les mines sont graves. Les conditions météo étaient très mauvaises depuis plusieurs jours et l'accident tant redouté vient de se produire. La victime, c'est le pirate Raphaël Dinelli. Il vient d'activer sa balise de détresse. Au micro de Christian Bex, de France Inter, Philippe Gentot lira plus tard un téléx envoyé par le skipper d'Algimousse qui explique à ce moment-là, à ce moment précis, ce qui s'est passé. En quelques secondes, le speedomètre a affiché 26 nœuds et dans la foulée, au bas de la vague, celle-ci, avec une force terrible, retourna complètement le bateau en une poignée de secondes. Je me retrouvais complètement chaviré, fixé au siège, celui-ci s'arracha et je m'écrasais dans un fracas de folie au plafond devenu plancher. À ce moment-là, le bateau donc est à l'envers, donc quille en l'air. Par les hublots, il voit que le mât, donc le bateau donc dans l'eau, hein, et le mât donc a traversé le pont et est rentré dans la coque. Dans ces circonstances vraiment extraordinaires, il ne panique pas, il pense vraiment à organiser sa survie. Il pense eh bien, effectivement à sa survie, à enfiler sa combinaison, préparer donc un sac, du matériel, de l'eau, des vivres, les balises argos, etc. Là, il dit que l'eau commençait à s'infiltrer par les cloisons, par la soute arrière, par les hublots qui s'étaient fissurés avec la violence du choc et qui voyaient l'eau qui montait donc en permanence. La mort commençait à faire son apparition dans mon esprit, mais avec une opposition forte de lutter contre. Pris dans une tempête au sud-est des îles Kerguelen, avec des vents dépassant les 130 km/h et des vagues atteignant les 10 mètres de haut, soit à la hauteur du 6e étage d'un immeuble, le bateau de Dinelli est chahuté par les déferlantes et se remplit d'eau. À l'intérieur, le skipper est piégé. Alors, pour ne pas mourir noyé, il décide de se réfugier sur le pont. Il doit s'y amarrer avec tout ce qu'il trouve de cordage pour ne pas être envoyé à la mer dans cet océan déchaîné. Affamé, assoiffé et en état d'hypothermie, il va passer une journée et une nuit en enfer à attendre les secours. Au même moment, à Paris, personne ne sait si Raphaël Dinelli est encore vivant. Il faut attendre le lendemain matin pour qu'un avion de reconnaissance australien finisse par le repérer. Les militaires lui lancent alors des canots de sauvetage autogonflables, rouges. Dans un dernier effort, Raphaël se décroche et se jette à la mer. Après quelques minutes qui paraissent interminables, il réussit à se hisser à bord d'un canot. À l'intérieur, il y a des vivres. Il ne lui reste plus qu'à patienter pour qu'on vienne le chercher. 24 heures plus tard, c'est le Britannique Pete Goss qui, au péril de sa vie, vient délivrer et récupérer le pirate naufragé Dinelli. Au PC course à Paris, le soulagement se lit sur les visages. Au micro de France Inter, Philippe Gentot détaille le sauvetage héroïque que vient de réaliser Pete Goss. Pete Goss qui est un excellent marin confirmé et qui en fait vient de faire une belle démonstration de son sens maritime. Je suis content pour tout le monde. 150 000 dans la tempête, il est allé, autant dire, chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui, et surtout que la route qu'il a faite pour venir sur la position de Raphaël était vraiment très difficile, parce que cette nuit, la nuit dernière, il a eu à affronter des vents très très forts et des vents contraires contre une mer démontée. Et il nous disait, il nous envoyait plusieurs fax en disant « c'est de la vraie survie, j'ai un chavirage pratiquement toutes les demi-heures ». Dinelli sauvé par Pete Goss, la nouvelle se propage rapidement sur le canal radio et elle fait un bien fou à toute la flotte des concurrents. Certains y voient un miracle, d'autres pensent alors que le pire est passé. Et pourtant, la série noire de cette édition 96 du Vendée Globe ne fait que commencer. I'm gone away. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. On est inquiet pour deux des concurrents du Vendée Globe Challenge, le français Thierry Dubois et le britannique Tony Bullimore. Les deux skippers ont déclenché leur balise de détresse. Ils se trouvent tous les deux au sud-ouest de l'Australie, à environ 1400 milles nautiques du port de Perth. L'armée de l'air australienne a envoyé des avions de reconnaissance. Thierry Dubois, le français, a été repéré à bord de son radeau. Quant au skipper britannique, on n'a aperçu pour l'instant que son bateau. Dimanche 5 janvier 1997, quasiment deux mois jour pour jour après le départ du Vendée Globe, la course autour du monde, à la voile, sans escale et en solitaire, connaît son second drame. Alors qu'ils naviguent assez près l'un de l'autre, dans l'océan Indien, au sud-ouest de l'Australie, dans une zone réputée dangereuse à cause des icebergs, le navigateur britannique Tony Bullimore et le français Thierry Dubois déclenchent coup sur coup leur balise de détresse. Dès cet instant, les deux skippers ne répondent plus à leur radio. Étrange coup du sort pour Bullimore et Dubois, les deux skippers qui avaient dû revenir au sable pour réparer leur bateau après une première nuit de tempête dans le golfe de Gascogne. Dernier concurrent de la course, ils sont alors bien de tous les autres concurrents et personne ne peut venir vers eux pour leur porter assistance. Au PC Course du Vendée Globe, Philippe Gentot est pendu au téléphone avec le Cross, lui-même en liaison avec le service de secours australien. Après 6 heures d'attente, un avion de reconnaissance de la marine australienne finit par repérer les deux bateaux non loin l'un de l'autre. Ils sont tous les deux retournés, mais ils flottent. Les secouristes australiens aperçoivent alors un homme en combinaison qui leur fait des signes juchés sur la coque de l'un des navires. C'est le français Thierry Dubois. Il est parvenu à s'extraire par la trappe de secours. En revanche, du côté du bateau de Tony Bullimore, aucune réponse. Le monocoque de l'anglais flotte, les saquilles semblent avoir été arrachées. Alors, le skipper est-il piégé à l'intérieur ou a-t-il pu être éjecté lors du chavirage? Pour tenter de le savoir, les Australiens ratissent la zone en avion à la recherche du moindre débris, de la moindre trace colorée d'un ciré qui flotterait sur l'eau. Après des heures de recherche, ils ne trouvent rien. Alors que l'inquiétude grimpe d'un cran au PC Course à Paris, le navigateur Titouan Lamazou, premier vainqueur de la course en 89, rappelle au téléphone sur France Inter que la zone dans laquelle se trouve Bullimore et Dubois est parsemée de dangers. C'est là le problème. Le problème qui est aussi l'intérêt de cette course, c'est que pendant plus d'un mois, les concurrents sont au sud des 40e, des 50e, et qu'ils sont dans des très mauvaises conditions. Et surtout qu'ils ne peuvent être survolés que par des avions, et les hélicos n'ayant pas assez d'autonomie, pour aller chercher, il n'y a pas de bateaux sur zone, il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a pas de cargo, et il n'y a que les marines militaires qui peuvent se déplacer, mais ça prend du temps. Je crois qu'il faut 3 jours pour arriver sur zone. Là, il reste, oui, 2 jours, nous disait Thierry Gentaut. Vous imaginez dans quelles conditions, peut-être physiques et psychologiques, se trouvent ces deux hommes en ce moment ? Oui, je peux arriver. Je n'ai jamais été dans ces conditions, hein, mais je peux imaginer, parce que déjà, quand on est sur son bateau et que tout va bien, on a très froid, on est dans des conditions qui sont difficiles. Alors, dans un radeau de survie, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on est en survie. Le lendemain, nouveau passage de l'avion des secours australiens. Dans un dernier espoir, et parce qu'il veut s'en tirer, Thierry Dubois se jette à l'eau et tente, au prix d'un effort surhumain, de rejoindre l'un des canots pneumatiques qui vient de lui être lancé. Lorsqu'il réussit enfin à l'atteindre, il se hisse à l'intérieur et lutte pour ne pas s'endormir. Dubois ignore alors qu'à moins de 500 mètres de là, il pourrait apercevoir la carcasse de carbone d'Exit Challenger, le navire de Tony Bollimore. Non, à ce moment-là, le skipper français ignore tout de la condition dans laquelle se trouve son compagnon d'infortune. 24 heures plus tard, alors que la situation de Thierry Dubois est toujours préoccupante, que personne ne sait si Bollimore est encore en vie, à Hobart, débarquent 2 autres héros du Vendée Globe. Le mardi 7 janvier, le skipper britannique Pete Goss dépose en effet son passager, le pirate Raphaël Dinelli, à terre. Présente sur place en Australie, la correspondante de France Inter raconte. Il est un peu plus de 5 heures du matin sur le petit port de Hobart. Il n'y a pas foule sur les pontons. Le navigateur français dont on parle en disant le miraculé est sur le point de mettre pied à terre. Après plus de 10 jours sur Aquacorum, le 50 pieds du britannique Pete Goss, qui a repêché en pleine tempête du milieu d'un océan glacial et désert, le Français de 28 ans, sur son canot de survie. Depuis, l'Anglais a fait office d'infirmière, de médecin, d'ami, surtout auprès de Raphaël Dinelli, qui, peu de temps après avoir été sauvé, demandait par fax sa compagne Virginie en mariage. Joli scénario qui oublie que Pete Goss n'a pas le droit de mettre pied à terre. Son bateau est en ce moment remorqué le long de la Derwent River qui arrive à Hobart. Hobart, Florence de Changy pour France Inter. Le lendemain, dans la nuit du 7 au 8 janvier, alors que le sauvetage de Raphaël Dinelli est terminé, qu'on s'active pour récupérer Thierry Dubois et qu'on espère retrouver en vie Tony Bollimore, le Vendée Globe fait face à un nouveau drame, peut-être le pire de tous, la disparition de l'un de ses concurrents. Alors qu'il était en deuxième position, à 4000 km de la première terre, talonnant presque Christophe Auguin, le skipper canadien Jerry Roofs disparaît des écrans radars. Sa balise Argos arrête d'émettre et il ne répond plus à la radio. D'ailleurs, son dernier message avait presque l'allure d'un SOS. Il disait « Les vagues ne sont plus des vagues. Elles sont hautes comme les Alpes. Je me bats pour garder le cap et ne pas chavirer. » Sur place, les conditions météo sont dantesques. Le vent souffle à près de 130 km à l'heure. Les vagues sont monstrueuses. La seule capable de rejoindre la dernière position de Jerry, c'est Isabelle Autissier. Depuis son arrêt au Cap, pour réparer un safran, elle est hors course, mais continue de suivre le parcours pour revenir au Sable d'Olonne. À la faveur de bons choix, elle avait réussi à rattraper son retard et venir dans le trio de tête. Dès l'appel de Philippe Gentaut, et sans hésiter un seul instant, la navigatrice a fait machine arrière et repartit à contresens. Des heures durant, prenant tous les risques, chavirant à 5 reprises, elle tente de progresser vers la dernière position présumée de groupe LG2, le monocoque de Jerry. Mais une fois sur zone, elle ne trouve aucune trace, ni du skipper canadien, ni de son bateau. Sur France Inter, elle témoigne de son impuissance et de son angoisse. La tempête est passée, alors il reste une très grosse mer, mais le vent a bien diminué. Là, j'ai un vent tout à fait maniable, de l'ordre de 25 nœuds. Alors, j'ai réduit la vitesse parce que j'attends des instructions de la part du Crocetel qui coordonne les recherches pour Jerry. Je suis pour l'instant dans le nord-est d'un quadrilatère de position présumée où il aurait pu dériver. Mais la visibilité est complètement nulle. Hein. Là, j'ai 200 mètres de visibilité, donc pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. La liaison avec Isabelle Autissier est brutalement interrompue par les mauvaises conditions météo. Trois autres skippers de la course et deux cargos se rendent également à proximité de la dernière position de Jerry. Mais les recherches ne donnent rien. Pendant trois jours, les avions de la marine australienne vont quadriller la zone. Un satellite canadien va même éplucher le moindre mètre carré sur une surface grande comme la moitié de la France. Rien. Aucune trace de Jerry. Épuisée et ne pouvant plus rien faire, Isabelle Autissier reprend sa route. Dans ce Vendée Globe où les bonnes surprises alternent avec les drames, chacun veut croire, et Isabelle la première, que Jerry est encore en vie, qu'il a juste été victime d'une simple panne de balise et qu'il va réapparaître tôt ou tard. Du côté des naufragés, Dubois et Bélimore, les Australiens réussissent à élitreuiller le Français et à mettre fin à ses 48 heures de supplice. Puis, s'approchant et tapant sur la coque du voilier de Bélimore, les sauveteurs ont la surprise de découvrir une tache jaune qui sort de l'eau. C'est le skipper anglais, oui, qui vient d'abandonner son refuge de fortune où il s'était enfermé, comprenant qu'on l'avait localisé et qu'on venait le chercher. Ramené à bord d'un navire de guerre de la marine australienne, Bélimore et Dubois sont sains et saufs. Interrogé sur France Inter, le Français raconte son calvaire. Ma seule lutte à ce moment-là, c'était de ne pas mourir gelé, quoi. Ça, par contre, c'était un peu l'angoisse. C'est qu'au bout d'un moment, j'avais un petit peu d'eau, je ne sais pas trop comment, qui s'était infiltré dans le bas de ma combinaison. Et j'avais donc les pieds humides. Pas, ça ne baignait pas, puisque j'ai essayé de la vider. Ça ne baignait pas dans l'eau, mais c'était humide. Et les trois nuits que j'ai passées dans le radeau, même dans la journée c'était dur, mais la nuit encore plus, quand il y a de la fatigue, l'obscurité, un peu plus de froid peut-être, c'était la lutte pour pas se refroidir. Et surtout les pieds, je pensais, j'ai passé mon temps à penser à mes pieds, à penser à ces histoires d'alpinistes qui avaient les pieds gelés, et aussi à ces histoires d'alpinistes dont je me rappelais, les mecs, bah, ils s'étaient endormis et puis ils s'étaient jamais réveillés. Au large du Chili, en ce début du mois de janvier 1997, les jours se suivent et les recherches pour tenter de retrouver Jerry Hobbs ne donnent rien. Une lueur d'espoir renaît tout de même lorsqu'un avion pense avoir réussi à entrer en contact brièvement avec Jerry Hobbs, avant qu'on ne se rende compte qu'il s'agissait probablement de quelqu'un d'autre. Nouveau désespoir pour la famille, les amis du skipper et tous les concurrents du Vendée Globe. 10 jours après la disparition du skipper canadien, dans une zone balayée par la tempête, les recherches sont interrompues. Jerry Hobbs et groupe LG2 sont déclarés perdus corps et biens. À partir de cet instant, une chape de plomb plane sur la course. Aussi, lorsque Christophe Auguin est le premier à rentrer au Sable d'Olonne un mois plus tard, le 17 février 1997, battant le record de Titouan la Mazou de 4 jours, la fête est terne, les cœurs sont tristes. Ils étaient 15 au départ, 16 en comptant Dinelli le pirate. Ils ne sont à l'arrivée que 6. Derrière Auguin arrivent dans un mouchoir de poche Marc Tiercelin, Hervé Laurent, Éric Dumont. 2 semaines après, c'est l'anglais Pete Goss. Et enfin, la 6e place pour celle qui devient la première femme de l'histoire à boucler un tour du monde en solitaire et sans escale, Catherine Chabot. La coque retournée du groupe LG2. Le monocoque de Jerry Hobbs sera finalement aperçu en mer 6 mois plus tard, le 16 juillet 1997, et formellement identifié le 29 août 1998 au large du Chili. Des morceaux de l'épave du voilier seront ensuite retrouvés sur l'île Atalaya par l'armée chilienne. Mais de Jerry Hobbs, marin expérimenté, aguerri, passionné, on ne retrouvera jamais la trace. Jetaient leur peine qui jetaient leur fissi et arrêtaient les cris. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le Vendée Globe dont nous allons parler avec notre invité Denis Auraud. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur de course du Vendée Globe, vous êtes spécialiste de la course large, évidemment. Vous venez de publier un livre passionnant consacré à cette épreuve, intitulé « Mon Vendée Globe dans les coulisses d'une course de légende », paru en octobre dernier, c'est vraiment tout récent, aux éditions François Bourrin. Depuis l'année 2016, vous vous consacrez également à l'environnement, en aidant les créateurs des nouvelles technologies vertes. Alors, concernant le Vendée Globe, chaque année, il y a des changements, parce que c'est vraiment une course d'élite, évidemment. Mais est-ce que l'année 96 marque l'arrivée d'un nouveau type de marin et d'un nouveau type de matériel? Est-ce que c'est une transition, un vrai changement? Oui, il faut faire un tout petit peu retour sur l'histoire. 1989, c'est la preuve que l'on peut faire le tour du monde sans escale. On ne le savait pas avant. Oui. 1992, c'est la validation du concept. Donc là, c'est vraiment le début de l'histoire. Et puis 1996, ça devait être la grande fête de la voile. Et en fait, ça tourne au cauchemar, au désastre. Et alors que vous l'avez dit, 96, c'est un changement de marin. C'est l'arrivée des experts, des ingénieurs. Il faut rappeler que Autissier et Parlier sont des ingénieurs de formation, que Auguin est professeur de technologie et qu'un gars comme Hervé Laurent, c'est un excellent technicien. Et donc, c'est vraiment l'arrivée de la technique. Et en fait, 1996, ça préfigure les équipes actuelles. Par exemple, Gabart, Le Cléache ou Dalin, ils ont des équipes qui sont exclusivement constituées d'ingénieurs. On dit dans notre métier que même pour nettoyer le bateau, il faut être ingénieur. C'est-à-dire le niveau de technicité des équipes. Et puis, évidemment, 96, c'est l'arrivée des nouvelles technologies. Et ces technologies, elles sont toujours utilisées aujourd'hui, hein. Par exemple, Autissier et Auguin amènent la quille basculante, vous en avez parlé. Mm-hmm. Parlier amène le mât carbone profilé, qui est très important. Et surtout, c'est le début du téléphone par satellite. Ça, c'est Autissier et Auguin qui sont les premiers à l'embarquer. Et évidemment, quand vous êtes connecté 24/24 avec du Wi-Fi et du haut débit, eh ben, ça change tout. Mais oui. C'est la notion de sécurité. Et la notion, pardon, de solitaire, elle est quand même un petit peu battue en brèche. Et toutes ces technologies, elles ont profondément modifié la course. Alors, évidemment, des modifications pour aller plus vite, pour que ça soit plus solide. Est-ce qu'il y a, j'ose à peine prononcer le mot, des changements pour un peu plus de confort? Vous comprenez pourquoi j'ai du mal à prononcer le mot, confort? Parce qu'on va pas, on fait pas un tour du monde pour être confortable, hein, c'est clair. Mais enfin, bon. Non, il y a zéro, au contraire. On avait des couchettes en 89, on avait un petit peu des couchettes encore en 92, mais dès 96, on dort sur des espèces de poufs qui prennent la forme du corps, qui sont semi-étanches. Non, le confort, franchement, c'est de pire en pire. Il n'y a que cette année où on recommence à imaginer l'ergonomie à bord des bateaux. Mais non, cette époque-là... Il faut souffrir le plus possible, quoi. C'est un peu ça l'idée. Surtout, on est encore dans une période où on a des marins qui sont du romal, hein, il faut le dire. Des marins qui sont, parce que la ligne n'est pas meilleure en ce moment que si on parlait du Cap Horn jusqu'à Paris. Il y a un petit passage à vide, là. Est-ce que vous pouvez répéter votre dernière phrase, pardon, de vous faire répéter? Oui, je disais qu'en fait, le confort, on l'a un peu oublié. Il y a que maintenant qu'on recommence un petit peu à s'intéresser à l'ergonomie dans les bateaux. D'accord. Mais à l'époque, on est encore avec la ligne « on est dur au mal », point. Alors, encore dans les changements grâce à ce Vendée Globe 96, il y a deux femmes. Alors je disais tout à l'heure, bien sûr, à l'époque ça nous étonnait. Aujourd'hui, il faut surtout pas s'émerveiller. Ça, c'est tout à fait normal que les femmes puissent concourir comme les hommes. Mais bon, faut bien commencer. Là, deux femmes, c'était nouveau. Qu'est-ce que ça a provoqué? Est-ce que ça a donné un supplément d'âme à cette course? 96, c'est deux femmes qui arrivent, mais c'est surtout l'émergence d'un engouement pour la course, qui est absolument extraordinaire. Il faut se rappeler que la Poste émet une flamme, par exemple, qui s'appelle Vendée Globe, un timbre Vendée Globe, que les écoliers débarquent sur le ponton et qu'ils font un journal papier qui est diffusé sur Ouest France. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, Ouest France attire à 900 000 exemplaires. C'est quand même considérable. Et puis, on invente le crowdfunding. qui est très à la mode aujourd'hui, c'est Bertrand de Brock qui lance une souscription et il va obtenir 6000 chèques de 250 francs chacun, à peu près 40 euros. Mmh. Et le président de la République va envoyer lui-même un petit chèque. Il y a 350 000 personnes qui viennent assister au départ. C'est vraiment le début du grand engouement pour le Vendée Globe. Oui, ça devient un peu phénomène de société comme certains sports, là, où ça dépasse la limite habituelle des sports. Tout à fait. Ça devient un phénomène de société auquel il faut adhérer. Et le chèque, ça me paraît incroyable quand même. C'est l'émergence du crowdfunding qu'on fait maintenant. Mmh, bien sûr, bien sûr. Matrice, hein, vraiment, ce Vendée Globe 96. On va y revenir, mais pour faire plaisir à notre réalisatrice Rianne Toulmont et aux auditeurs, on va écouter Paul McCartney, bien sûr, le dernier disque de Paul McCartney. Il s'appelle 3, parce qu'il y en a eu un premier, puis un deuxième, maintenant c'est le troisième. Ah bon, on écoute Paul McCartney. Là, je cherche le titre de la chanson, Find My Way. Voilà, Find My Way. Left from right, because we never close. I'm open day and night. I know my way around. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. My way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh chez McCartney. McCartney 3. De Niro, revenons ensemble sur ce Vendée Globe 96. On va s'arrêter un instant sur le cas de Raphaël Di Nelli, ce navigateur devenu pirate et qui outrepasse les règles de la course pour s'engager envers et contre tout et contre tous. Et pourtant, lorsqu'il a son accident, eh bien on le considère comme un concurrent à part entière. C'est ce qui est beau dans cette, d'abord dans ce sport et aussi dans cette épreuve. C'est qu'on peut aller chercher un concurrent au péril de sa propre vie. Non seulement on peut, mais on doit. Et bien sûr, parce que une fois en mer, toutes les histoires de piraterie et autres s'estompent et on va secourir un marin en perdition. D'abord, c'est la tradition maritime, faut pas l'oublier, et personne ne pense à y déroger. En plus, il y a des conventions internationales qui régissent le sauvetage maritime. Et elle vous oblige à y aller. Oui. Et enfin, quand vous signez le texte de course, quand vous vous engagez dans la course, eh ben vous avez obligation de secourir un naufragé. Alors, il y a eu, il faut rappeler juste que le cas de Di Nelli n'est pas tout à fait le seul, puisque en 2016, on a eu un autre pirate, entre guillemets, qui partait dans le même esprit, qui s'appelait Jeff Pelé. Et lui, eh bien, il a pris le départ une semaine après le départ officiel. Et puis, il a touché un OVNI et il a dû s'arrêter au Brésil. Mais dans l'histoire du Vendée Globe, il y en a eu deux, des pirates comme ça. Un OVNI, vous avez dit un objet flottant non identifié, hein, c'est ça ? Exactement, ce qui l'a obligé à s'arrêter, il a fait route vers le Brésil, et il a mis fin à l'acte de piraterie numéro 2 dans le cadre du Vendée Globe. Vous êtes un proche d'Isabelle Autissier, cette dernière a pris des risques fous pour essayer d'aller sauver Roofs, mais elle n'a rien pu faire. À quoi ressemblent alors ces 50e rugissants dans lesquels le Canadien a disparu ? Alors dire que ce sont des conditions extrêmes, j'imagine que c'est pas peu dire, c'est pire que ça. Oui, ben évidemment, l'édition 1996, elle est marquée par une tempête absolument terrible, mais vraiment des tempêtes absolument terribles, et les conditions étaient dantesques. Heureusement, on ne les a pas reconnues depuis. Le problème, si vous voulez, c'est que la mer déferle, donc sur le sommet de la vague, eh bien, la mer déferle, donc elle vous cueille, mais elle va plus vite que vous. Oui. Quand vous descendez, la vague, elle fait 15 mètres, quelquefois 20 mètres. Quand vous descendez au fond de la vague, vous n'avez plus de vent. Et là, la vague vous rattrape et elle vous roule. Et tous les concurrents ont été roulés à l'époque. Ils l'ont tous dit. Hein. Évidemment, Dinelli, Dubois, Autissier, Hogard, ils ont tous été roulés à plusieurs reprises. Et la difficulté, c'est de réguler la vitesse de votre bateau. C'est-à-dire aller suffisamment vite pour ne pas subir la vague qui va vous rouler, mais pas trop vite pour pas rentrer dedans. Ce qui s'est passé pour Kevin Escoffier. Et donc, c'est un exercice difficile. Alors, heureusement, les bateaux ont beaucoup progressé, ils sont beaucoup plus légers qu'avant, hein, qu'en 1996, ils sont beaucoup plus maniables, et surtout, les pilotes automatiques ont fait d'énormes progrès. Alors maintenant, on arrive à peu près à réguler, on va dire, les choses par rapport à avant. Et ça, c'est une modification vraiment, vraiment importante. De Niro, une dernière question et donc une dernière réponse courte. Si vous pouvez, la disparition de Jerry Roofs éclipse presque en partie le souvenir de la victoire de Christophe Auguin. À l'époque, les marins sont une vraie bande de copains. Jerry était l'ami de tout le monde, donc y compris de Jerry, j'imagine. Est-ce que ça a plombé l'ambiance en 96, cette fin-là, entre les marins ? C'est bien pire que plomber l'ambiance. Ça a totalement modifié cette édition en 1996 et ça laisse des souvenirs indélébiles dans toute la communauté entre guillemets des marins. C'est quelque chose qu'on n'oubliera absolument jamais, ça c'est clair. Bien, merci infiniment Denis Auro d'avoir ravivé tout de même le souvenir de cette course à la voile Vendée Globe 96, héroïque, spectaculaire. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est Affaires Sensibles, aujourd'hui le Vendée Globe 96. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Tiffany Battistel.